Monsieur Raymond Poirier, monsieur technologie, monsieur, je m'y connais en technologie. On essaie. Et toujours avec l'optique justement d'aller au-delà du gadget, voir un peu les incidences, et notamment au fil de l'été, et je pense avec tous les lancements qu'il y a eu de nouveaux appareils et autres, eh bien on se rend compte à quel point ces nouveaux outils-là changent aussi, j'ai l'impression, notre manière de construire les villes. On en a déjà parlé un peu l'année dernière, mais je me suis dit, nouvelle chronique, nouveau retour en onde de la table d'hôte et de mes interventions. Alors, on va faire une petite revision aussi sur l'impact peut-être d'avancées numériques qui nous permettent d'avoir peut-être un contact un peu plus direct sur la gestion des villes, sur leur évolution et aussi sur leur compréhension. Et à ce titre, tu veux nous parler premièrement de crowdsourcing. Exactement, crowdsourcing. Donc, l'idée d'aller chercher à la source de l'information, de la rendre disponible à la source aussi, ça vient changer quand même la donne de manière assez large. Au niveau de la recherche même, on parle de l'innovation ouverte qui est un peu liée à ça. Il y a des expériences qui ont été menées de dire, ben OK, on a une tâche absolument effarante à faire. Je crois qu'en Angleterre, il y avait eu des gens qui avaient pris des photos justement de galaxies éloignées qu'il fallait qu'ils classifient ensuite les planètes là-dessus. On parlait de 3, 4, 5 ans de travail. Ils se sont dit, ben on va plutôt faire un tutoriel et rendre tout ça disponible sur le web et inviter les gens, en suivant le tutoriel qu'on a donné, ben, à nous aider dans l'identification, à faire un premier nettoyage. Et finalement, comme ça, ils ont sauvé 3 ans de travail et beaucoup de budget aussi. Et les gens étaient subitement beaucoup plus intéressés dans les travaux de recherche. Donc, on le fait dans la recherche de plus en plus. On peut le faire aussi à l'intérieur des villes. Donc, il y a 2 axes à ça. D'un côté, des initiatives de sociofinancement, par exemple. Donc, l'idée qu'on présente un projet sur une plateforme. Bon, il y a Kickstarter du côté international. À Québec, on a La Ruche. On propose un projet. Les gens viennent l'appuyer, donnent du financement en échange de petits retours sur l'investissement. Donc, ça, c'est une manière de faire, dans le fond, donc d'aller crowdsourcer des projets, des initiatives. Et il y en a qui vont même un peu plus loin là-dessus. Bon, déjà, La Ruche, on voit, c'est des projets qui sont basés à Québec. Il faut qu'ils soient faits par des gens d'ici ou qu'ils aient un impact sur la grande région métropolitaine de Québec. Mais il y a des initiatives qui ont été faites aussi, encore là, du côté de l'Angleterre, un site qui s'appelle Fix My Street. Donc, essentiellement, c'est des propositions de projets en lien avec ta rue, ton quartier, donc très, très, très local. Et là, c'est carrément, dans le fond, les États ou les administrations municipales qui disent, ben, venez nous proposer des projets, venez nous expliquer pourquoi, voir un peu le type d'appui. Et donc, là, on a mis de côté l'aspect financier et on peut, par contre, aller chercher le côté volontariat, peut-être, de voir un peu à la source, justement, quel type de modification on verrait pour notre quartier. Et en même temps, le crowdsourcing, ce que ça permet aussi, c'est de découvrir de petits trésors humains aussi, qui sont des encyclopédies vivantes qui prenaient la poussière pendant plusieurs... qui ont pris de la poussière pendant plusieurs années et qui soudainement reviennent et qui s'annoncent à être d'excellentes sources d'informations. C'est une bonne façon de favoriser l'engagement citoyen aussi. Tout à fait, ça aussi. Tu veux aussi nous parler de services d'information en temps réel, c'est-à-dire ville réactive. Ville réactive, en fait, c'est un peu le nerf de la guerre. La grande modification, peut-être, que la gestion via les technologies des villes va amener, entre autres choses, bon, il y en a d'autres, évidemment, mais c'est l'idée qu'on est capable de réagir beaucoup plus rapidement à ce qui se passe. Donc, plutôt que de gérer la ville en faisant peut-être une étude, en analysant les résultats, en les rendant disponibles, donc peut-être on fait 3-4 mois d'études, ensuite on collige les résultats, donc c'est peut-être sur 1 an, ça prend quand même un certain temps. Et l'idée, c'est qu'on a un problème qui est dans l'instant présent, qui, lui, persiste parce que, justement, il faut quand même prendre la bonne décision. On ne peut pas lancer à tout vent des solutions, il faut prendre le temps de les étudier. Et donc, si on a accès à l'information en temps réel, eh bien, évidemment, ça change complètement la donne parce qu'on voit le problème et on voit le contexte qui accompagne le problème en même temps. Donc, l'idée, c'est d'apporter un peu cette perspective-là en utilisant les données qui sont générées, entre autres. Donc, tout ce qu'on génère sur Twitter, sur Facebook, tout ce qu'on va écrire, tout ce qui est généré par ce qu'on appelle l'informatique embarquée, donc dans les automobiles, dans le mobilier urbain, par exemple, les caméras vidéo, etc., etc. Donc, il y a quand même énormément d'informations qui est générée. Et d'ailleurs, en fait, je pense qu'il y avait un dirigeant de Google qui avait dit à un moment donné que si on comparait, mettons, toute l'information qui avait été créée par l'humanité de 2003 en descendant, ben toute cette quantité d'informations-là qui a été générée sur quand même plusieurs milliers d'années, eh bien, aujourd'hui, ça nous prend 2 jours pour en générer l'équivalent. Donc, ça vous donne une idée de la quantité d'informations qui est disponible. Donc, l'idée, c'est maintenant de voir un peu comment l'utiliser pour favoriser une prise de décision. Et donc, si, par exemple, on se borne à l'idée des GPS sur les cellulaires, par exemple, ben on peut savoir exactement où les gens vont se déplacer à l'intérieur de la ville. Avec les autos, c'est la même chose. On a les caméras vidéo qui peuvent nous permettre de donner des informations très, très précises déjà sur les flots de véhicules, ajoutées à d'autres informations. Subitement, on a des ressources quand même assez intéressantes, là. Et de les rendre le plus efficaces possible, surtout au niveau énergétique aussi, parce que ça a été prouvé dernièrement que chaque clic qu'on fait sur Internet est l'équivalent en énergie de faire cuire un œuf. Donc, c'est tout beaucoup. Ce monde-là en même temps qui font cuire un œuf sur la planète. Imaginez-vous à quel point ça draine de l'énergie. Tu veux aussi nous parler d'application de déplacement, c'est-à-dire la ville fluide. Exactement. On est un peu là-dedans, en fait, quand on parle de l'information, de la gestion en temps réel. Donc, d'un côté, il y a l'idée de communiquer en temps réel avec la ville. L'autre côté, c'est de savoir aussi ce qui se passe sur la nature des déplacements. Et tu m'ouvres la porte avec la notion d'être écologique. Je te donne deux exemples d'applications. Une qui s'appelle Greenway, une autre qui s'appelle Waze, qui ne concernent pas notre ville et notre État, par contre, mais qui prennent en compte les émissions de CO2 et qui est générée par l'auto et qui va te proposer, dans le fond, le parcours de déplacement le plus pertinent en termes de montée, de descente, de type de paysage pour que tu génères le moins d'essence possible, tu dépenses le moins d'essence possible. Donc, c'est un avantage pour toi au niveau monétaire, évidemment. C'est un avantage aussi pour l'environnement puisqu'on diminue le CO2. Il y a des applications françaises aussi. Il y en a de plus en plus sur le stationnement. Donc, oui. L'idée que on perd du temps, de l'essence et ça a un impact assez négatif à force de chercher en rond dans le centre-ville pour trouver des espaces de stationnement. Eux mettent des senseurs en dessous de ces espaces-là et disent, ben, quel espace est disponible et où pour pouvoir te rendre rapidement, pour pouvoir le payer aussi plus efficacement, pour pouvoir te donner une amende plus efficacement. Oui, aussi, surtout si tu ça pas payé. Aussi, hein, c'est de la perception de taxe volontaire. Faut pas l'oublier non plus. Exactement. C'est payant. C'est comme combiné avec un GPS, ça? Oui, exactement. En fait, les capteurs sont géolocalisés et ton application permet de dire, ben, OK, c'est mon auto qui est là, je paye pour cet espace de géolocalisation-là. Si ton temps est échu, mais que le capteur identifie qu'il y a encore une auto, ben, on dépêche assez efficacement un agent pour vérifier qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Évidemment, ben, en fait, il y a toujours cette idée de rendre la ville plus marchable, plus facile à déplacer. Ça passe beaucoup par des événements. En fait, il y en avait eu aux Jeux olympiques de Londres. Il y avait une application qui avait été faite pour inciter les gens à se déplacer en vélo, à se déplacer à pied, qui donnait des points, en fait. Plus on se déplaçait, plus on faisait de déplacements dans ces modes-là, mais plus on obtenait des points qui pouvaient être monétisés par la suite. Donc, des petits incitatifs, des jeux aussi, dans le fond, de jouer un peu avec nos déplacements. Ben, il y a d'ailleurs la ville de Copenhague, maintenant, qui ont repris un peu le principe des les blocs d'énergie de Pierre Lavoie, mais qui l'ont pris un peu à la source économie d'énergie. Donc, plus tu économises d'énergie, plus tu ramasses de blocs et ça te donne des rabais dans des centres commerciaux. Donc, c'est une belle initiative, économise sur l'énergie et on te redonne du matériel en même temps ou des services. C'est surtout sur les services parce que l'idée étant de polluer le moins possible. On va aussi parler de open data, c'est-à-dire la ville créative. Oui, la ville créative, dans la mesure où, et ça, on en parle beaucoup, à Québec, il y a des données ouvertes, il y en a un peu partout, au Québec, Montréal, Gatineau, notamment, il y en a un peu partout dans le monde, même les États, gouvernement américain, gouvernement britannique, gouvernement australien, qui sont très forts là-dessus. C'est l'idée que, collectivement, on paye... via nos taxes, via les investissements. Bon, c'est des formules qui ressortent souvent au fil des médias. Et donc, on paye pour qu'il y ait des études qui soient réalisées, pour qu'il y ait des analyses qui soient faites, pour qu'il y ait des informations qui soient diffusées. Donc, des informations qui peuvent autant concerner les activités culturelles d'une ville, autant concerner des sondages de Statistique Canada, des études scientifiques ou autres, qui ont, elles, des données qui peuvent être utiles, mais qui, une fois qu'ils ont terminé leur usage premier, ne sont pas nécessairement mises en valeur une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Et donc, l'idée des données ouvertes, c'est de dire, les États ont terminé d'utiliser ces données-là. Ce ne sont pas des données sensibles, donc des données qui concernent la vie privée. Et donc, on les rend disponibles dans des formats divers. Et c'est aux citoyens, citoyennes, aux entreprises de voir si eux, ils ont des possibilités, ils ont des idées pour donner une seconde vie à ces données-là. Et maximiser. Et c'est libre de droit. Il n'y a pas de coût associé à l'utilisation de ces données-là. Donc, on peut développer des applications. Il y a des concours qui sont faits. Il y en a eu à Québec il y a quelques semaines, un hackathon, justement, pour essayer de développer des idées d'applications. Ça peut donner des outils comme, par exemple, des activités culturelles, donc de trouver un agenda géolocalisé. Ça peut donner des informations, par exemple, je pense en lien avec le canal Rideau, il y avait eu des applications qui avaient été développées de ce côté-là, donc beaucoup axées sur des activités culturelles. Ça peut être des trucs très, très de base, comme géolocaliser les travaux routiers dans une ville. Ça peut aussi être un peu plus complexe, donc, mais l'idée, c'est de dire, on a de l'information, On l'a utilisé. Maintenant, voyez s'il y a quelque chose d'autre que vous pourriez faire avec ça. Excellent. Et rapidement, pour terminer, parce que tu as d'autres choses à nous dire après, tu as des invitations à nous lancer, on va parler un petit peu de réalité augmentée, c'est-à-dire la ville interactive. Exactement. Donc là, c'est l'idée qu'on a de l'information, qu'on a des gens qui habitent la ville, qu'on a donc un univers réel qu'on habite, mais qu'à l'intérieur de ça, il y a tout ce qu'on pourrait appeler la ville invisible, d'une certaine manière. Donc, oui, toute l'information qui est générée, les rapports entre les gens, les versions virtuelles, peut-être, des lieux qu'on est en train de visiter. Donc, de quelle manière on peut essayer de faire des ponts entre ces deux facettes de notre quotidien-là. Et donc, c'est notamment à travers des outils de réalité augmentée. Donc, l'idée, pour l'instant, on est encore à la base de ça. Donc, c'est de rendre Internet visible à travers les écrans, mais à travers les lieux aussi. Bon, on le fait avec Google Glass et autres. Éventuellement, ça sera de créer des véritables lieux et des véritables objets virtuels qui seraient ancrés à l'intérieur du réel. Mais c'est aussi une tendance à surveiller. Et au fil des interventions que je ferai, c'est certain qu'on va revenir là-dessus. Donc, crowdsourcing, application temps réel, application de déplacement, open data et réalité augmentée. Là, c'est un peu des thématiques incontournables actuellement, là, autant en recherche qu'en développement. Justement, je pense qu'on peut aller chercher ces informations-là sur le site où on peut te rejoindre, c'est-à-dire itis.ulaval.ca. Et j'ai envie de lancer deux invitations, oui, en lien avec ça. Si vous avez entendu réalité augmentée, vous dites, ben oui, mais j'aimerais ça voir un peu quelles applications ça peut faire, ça peut être qu'on peut développer autour de ça. Eh bien, on en présente une jeudi soir, le 19 à 19h, à la bibliothèque Gabrielle Roy. C'est une chercheure de l'Université Laval qui a développé un outil pour apprendre les principes de l'électromagnétisme. C'est quand même assez abstrait, oui, mais grâce à la réalité augmentée, on est capable de les visualiser, de les apprendre. Elle a créé un jeu interactif avec ça. Donc, elle va présenter ce projet de recherche-là qui a été développé avec le CIMI, le Cégep Sainte-Foy aussi. Et ensuite, les gens qui vont être sur place vont pouvoir essayer le jeu également. Donc, ça, c'est un premier contact, si on peut dire, avec la réalité augmentée. Donc, ça, c'est jeudi soir à 19h. Et pour les gens qui sont sur le campus, vendredi à 20h, on présente, en fait, une rediffusion d'une conférence qui a lieu à Toronto qui s'appelle TED City 2.0. Donc, c'est une journée de réflexion sur la ville. Quand même assez intéressant, fait pour ceux qui connaissent les conférences TED. Oui. Et là, il y a plein de gens du monde des technos, plein d'étudiants et de professeurs intéressés aussi par les technos qui vont être rassemblés au grand salon pour écouter et pour discuter entre les séances de ce qui aura été présenté. Il faut s'inscrire, par contre, puisque le nombre de places est limité. Alors, toutes les informations aussi sur l'activité de jeudi et de vendredi, ben, sont sur itis.ulaval.ca.